Subtil, mais intéressant. Simplement au niveau du mécanisme de défense, ça n'a rien à foutre. Plus cela va aller au niveau de la crise de l'évolution collective, plus l'humanité religieuse va découvrir que, apparemment, Dieu permet à ceux qui ne sont pas religieux d'accomplir ce que les religieux cherchent depuis des milliers d'années. Et ça, et tu peux constater avec moi que ça va être relativement souffrant chez l'humain. Toi, tu pries, tu pries, tu pries, tu veux, tu donnes, tu sers, tu sers, tu sers, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui soudainement se réveille sur sa chaise, voit différemment le monde, apparemment ne souffre plus, et lui commence à faire les choses que tu as toujours voulu faire. Lorsque l'humain dit « Dieu, donnez-moi la force d'aider autrui », il veut juste bien paraître devant autrui. Pourquoi il dit pas « Dieu, aide autrui » ? Non. « Donne-moi la force d'aider autrui ». Une immense orgueilleuse, hein? Une immense dangereuse. Alors, pendant que lui va demander, ben les énergies intelligentes vont simplement être exprimées sur le plan planétaire à travers ceux qui ont accepté la crise de l'évolution, à travers ceux qui ont accepté de comprendre l'intelligence de l'évolution et non pas à travers ceux qui continuent à suivre l'absurdité évolutive ou l'inconscience de l'évolution. Lorsque tout le monde suit, celui qui sera béni ne sera pas dans le troupeau, il sera en avant du troupeau. Et c'est normal. On ne félicite pas quelqu'un pour avoir suivi. On félicite l'autre pour avoir réussi à diriger. Et lorsque, et là, je fais une nuance, maintenant, il faut faire quand même attention, l'homme nouveau ne s'évertuera pas à diriger. L'homme ancien s'évertue à être dirigé. Si on regarde les maîtres anciens, ils avaient besoin de disciples. Ce n'étaient pas des hommes nouveaux. Et les disciples avaient besoin de maîtres. Ce n'étaient pas des hommes nouveaux. Tandis que l'homme nouveau n'a plus besoin de disciples. Mais l'homme ancien a toujours besoin de maîtres. Alors, dans l'apparence, pour celui qui ne comprend pas, ça semble la même chose. Tandis que dans la réalité des choses, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu penses que il y a d'autres places dans le monde où le phénomène de l'homme nouveau a commencé à surgir, où on en parle sur la place publique ou dans des conférences? Bon, c'est une question dangereuse parce que le Québécois étant un être qui se catalogue comme étant médiocre, lorsque je réponds, ça fait toujours... ça frustre un peu les Québécois. Premièrement, il n'y a pour l'instant à l'échelle planétaire aucune région à part le Québec où on voit l'évolution de l'homme nouveau ou la naissance de l'homme nouveau comme on la voit ici. Il n'y en a pas. Californie non plus? Californie encore moins, pour être précis. Bon. Il y aura même une mutation, pas une mutation, une migration de la Californie, elle est là pour attirer tout le contingent d'hommes anciens qui va être capable de... Il y a un rôle. La Californie, elle a un rôle intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reste en Californie? Non? Bon, alors on pourra en parler. Qu'est-ce qui nuit le plus à l'évolution de l'homme au niveau mental? Ce sont les énergies astralisantes qui viennent le manipuler. Tout ce qui est archétypal vient instruire l'humain. Lorsque l'humain dit « je vais essayer de me connecter », à quoi il se connecte? À un hostie d'archétype. Alors, sur l'échelle planétaire, les intelligences ont réussi à concentrer une masse d'humains suffisamment spiritualisés. On a au-delà de 75 pages de bottins téléphoniques de sectes en Californie, seulement à Los Angeles. Je ne calcule même pas San Francisco. Alors, il y a une concentration de spiritualisants en Californie, ce qui fait que tous les archétypes sont attirés vers la Californie. L'humain évolutif, d'où les pacifistes, les ci et les cela, s'en vont en Californie. Alors maintenant, au Québec, et ça c'est très très très important, il y a les deux sont intimement reliés, cela fait qu'au Québec, lorsque l'humain essaie de se connecter quelque part, de plus en plus il y a la chance de se connecter à autre chose qu'un archétype ou à un égrégore évolutif religieux parce que celui-ci est attiré au-dessus de la Californie. Lorsque le Québec sera suffisamment complété, la Californie n'aura plus de raison d'être. Et Saint-André s'occupe de ça. Pourquoi Saint-André? En espagnol, il porte le nom de Sant'Andreas. Merci. On fait une...